بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 63 dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh du Kitab al-Tawhid du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Au dernier cours, on s'était arrêté à l'explication de Cheikh al-Fawzan lorsqu'il explique les trois piliers qui sont mentionnés dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Et le premier pilier, c'est le témoignage de la foi. Le deuxième, c'est le pilier de la salat. Et le troisième, c'est le pilier de la zakat. Donc le Cheikh, il dit... Donc il dit le cheikh ici, al hadith al-thalith, ou al hadith, il dit, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. وفي ضمنه شهادة أن محمدا رسول الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله، لكنه اقتصر عليها لأن شهادة أن محمدا رسول الله داخلة في ضمنها. Donc le cheikh il explique ici que Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, il dit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a mentionné trois piliers parmi les piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est le témoignage que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et il dit que cela comprend le témoignage de Muhammad al-Rasulullah, c'est-à-dire que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, parce que le témoignage de la ilaha illallah ne peut être valide, excepté si... il est prononcé avec le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. Sauf que dans le hadith ici, il s'est limité à mentionner le témoignage de la ilaha illallah. Et la raison de ça, c'est parce que le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah entre et fait partie du témoignage de la ilaha illallah. C'est comme s'il était inclus dans la ilaha illallah. الركن الثاني الدوزيام بيليي سي الصلاه والركن الثالث الزكاه ونحن نعلم ان اركان الاسلام خمسه الركن الرابع الصيام والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا فلماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اجيب عن هذا باجوبه الجواب الاول ان هذا الحديث مختصر فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة لكن الرواة أو بعض الرواة اختصر وذكر هذه الأركان الثلاثة فقط والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان التي يقاتل من امتنع منها وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه من امتنع منها فإنه يقاتل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي يقاتل من امتنع منها ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأركان الثلاثة لأنها تجمع بقية أمور الدين شهادة أن لا إله إلا الله وهذا عنوان العقيدة وتجمع أمور العقيدة الصحيحة وإقام الصلاة هذا أعظم العبادات فإذا حافظ على الصلاة صار محافظا على ما سواها لقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمحافظة على الصلوات الخمس يدعو على المحافظة على بقية أمور الدين على بقية أمور الدين أما الذي لا يصلي فإنه لا يبالي ببقية au mur din. On va traduire jusqu'ici, d'accord? Donc le cheikh il explique que les piliers de l'islam, le deuxième c'est le pilier de la salat, le troisième c'est la zakat, et nous savons que dans l'islam il y a cinq piliers. Donc le quatrième pilier c'est as-siyam, le jeûne, et le cinquième c'est yani, le fait d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, pour celui qui en a la capacité et qui est capable de le faire. Et le cheikh, il dit que pourquoi dans ce cas-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, pourquoi s'est-il limité à mentionner que trois piliers? Et le cheikh explique qu'on a répondu à cette question-là par certaines réponses, et il mentionne deux parmi ces réponses-là. Il dit la première réponse qu'on a donnée à cette question-là, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a seulement résumé, ou bien le hadith en question est un résumé en réalité, puisque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné les cinq piliers, sauf que les rapporteurs du hadith, ou certains des rapporteurs du hadith, ont résumé le hadith. Et donc, ils n'ont mentionné que les trois premiers piliers seulement. Une autre réponse qu'on a donnée à cette question, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement mentionné les piliers pour lesquels on combat la personne qui refuse de les accomplir. Donc, par exemple, le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'établissement de la salat et le fait de donner la zakat, ce sont des piliers yani, pour lesquels on combat la personne qui refuse de les accomplir. Ça, c'est selon les principes de l'islam. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces choses-là parmi les choses que si quelqu'un refusait d'accomplir ces piliers, eh bien, il devait être combattu. Et il dit parmi les ulama, il y en a qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à mentionner ces trois piliers parce que ces trois piliers-là comprennent en réalité toutes les autres aspects de la religion. Donc le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah, eh bien ça comprend toutes les questions qui ont rapport avec la croyance et la conviction. Et donc tout ce qui est relié à la bonne croyance et la croyance authentique. Tandis que l'établissement de la salat, eh bien c'est ce qu'il y a de plus grand comme adoration. Et celui qui préserve ses cinq prières, eh bien c'est clair qu'il va préserver le restant de ce que la religion a enseigné. Et à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 45 dans sourate Al-Ankabut, établit la salat, certes la salat interdit ou empêche de faire des turpitudes et de faire du mal, et de faire ce qui est interdit en fait. Donc le fait de se préserver ou de préserver les cinq prières et de garder les cinq prières, eh bien c'est ce qui incite la personne et invite la personne à garder les autres aspects de la religion, tandis que celui qui ne prie pas et qui ne fait pas les cinq prières, les cinq salawat, eh bien, c'est le signe que c'est ce qui indique que il ne va pas donner de l'importance au reste des règles de la religion. Ensuite, le cheikh il dit wa zakat, yani az-zakat, لأن الإنسان إذا أدى الزكاة طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه وأثر حب الله على حب المال يعني سهل عليه التصدق والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر فالزكاة تسهل على أمور التبرعات تسهل عليه أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها. فذكر العبادات القولية وهي الشهادة والعبادات البدنية وهي الصلاة والعبادات المالية وهي الزكاة، ويدخل تحت هذه العبادات العظام غيرها من الأعمال. Donc le cheikh explique ici que en ce qui concerne la zakat, eh bien le cheikh il dit que si l'individu paye sa zakat de lui-même et que yani son âme est yani bien avec l'idée de payer la zakat, eh bien ça veut dire que la personne en fait elle a donné précédence, elle a préféré l'amour d'Allah à l'amour des gains et à l'amour des biens. Et dans ce cas-là, ça devient facile pour cette personne de faire des œuvres de charité et de donner en aumône et de dépenser dans le sentier d'Allah ou dans toutes les choses qui sont reliées au bien. Et la zakat, donc, elle facilite aux gens tout ce qui est relié aux affaires des dons et de la charité, des aumônes et de la dépense dans le sentier d'Allah. Donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a mentionné les affaires qui sont en réalité les mères dans l'adoration, les choses mères dans l'adoration, c'est-à-dire les adorations les plus centrales et les plus importantes, yani, qui incluent donc le reste des autres adorations, hein, ou qui rentrent en dessous des autres adorations en question. Et donc, parmi les exemples de ça, le cheikh il dit que il a mentionné les adorations qui sont faites avec la parole et qui sont verbales, hein, comme le fait de témoigner, hein, de la ilaha illallah. Il a mentionné les adorations qui sont physiques, qui sont faites avec le corps, comme par exemple la salat. Et il a mentionné les adorations qui sont faites avec les biens et l'argent, comme par exemple la zakat et tout ce qui est inclus comme grande adoration, qui justement sont inclus dans ces adorations-là. Donc ça, c'est des explications par rapport à ce hadith. Pour revenir maintenant aux explications du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan par rapport à ce hadith-là, quand il explique la suite, hein, du hadith, il dit « Fihi al-zakat, fihi anna al-zakat la tanfa'u illa man wahhad Allah » وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. Donc il dit dans ce hadith de Mu'ad, il y a la preuve que la zakat ne pourra être bénéfique que pour celui qui a unifié Allah et qui a établi le tawhid d'Allah dans son adoration, et elle sera uniquement bénéfique également pour celui qui a établi les cinq prières avec ses conditions et ses piliers et ses obligations. Et Cheikh Al-Fawzan il dit ici pour expliquer ça, فلا تصح زكاته وهو مشرك لا يشهد أن لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يصلي لا تنفعه الزكاة لأن أول واجب التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بقية الأعمال. Donc le cheikh explique que La zakat d'une personne, si elle est mushrik et qu'elle ne témoigne pas de la ilaha illallah, eh bien, elle ne sera pas acceptée d'Allah. Elle ne sera pas valide. Et de même que la personne qui dit la ilaha illallah, mais sauf qu'elle ne fait pas la salat, eh bien, sa zakat ne sera pas acceptée et ne sera pas bénéfique pour elle. Il dit, parce que la première obligation, c'est le tawhid. Ensuite, c'est la salat. Ensuite, c'est la zakat. Ensuite, c'est le jeûne. Et ensuite, c'est le hajj, puis ensuite le reste des œuvres. Ensuite, le cheikh il dit « وَالزَّكَاتُ قَرِينَةُ الصَّلَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَمَنْ أَتَى بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَتَى بِبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ لقوة الداعي إلى ذلك لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال ابن زيد أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. Donc ça c'est un passage ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit la salat, la zakat c'est le compagnon de la salat dans le livre d'Allah, hein, ils sont toujours ensemble. Et il dit, et ça c'est prouvé par plusieurs versets dans le Coran, dont le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, comme étant hunafa, c'est-à-dire des gens qui penchent vers l'adoration d'Allah seul et exclusive, et qui se détournent naturellement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ça c'est la définition du hanif, hein, le pluriel c'est hunafa. Donc et qui établissent la salat et qui donnent la zakat, et voilà la religion de la droiture. Donc toute personne qui a établi ces choses là, hein, il va établir le reste des piliers de la religion à cause de la force de l'incitatif qui amène la personne à le faire, et c'est pour cette raison que cela implique l'application du reste de la religion, hein, et ça c'est clair, yani. Après le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset dans Surat Tawbah le verset 5, et s'ils se sont repentis du shirk et qu'ils ont établi la salat et donné la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Et Anas a dit à propos de ce verset qu'ils se sont repentis en délaissant l'idolâtrie et les idoles et en adorant leur Seigneur, puis en établissant la salat et en donnant la zakat. Et il a été attribué, hein, à Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, j'ai été ordonné d'établir la salat et de donner la zakat, et celui qui ne fait pas la zakat, alors c'est comme s'il n'avait pas prié, ou c'est comme s'il n'avait pas fait de salat. Et Ibn Zayd qui dit, Allah refuse d'accepter la salat de celui qui ne donne pas la zakat. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ces points-là. Et premièrement, à propos du verset dans Surat Al-Bayyinah, il dit « Al-ayatu tadullu ala ma dalla alayhi al-hadith fiha thalathatu ashya liya'budullaha mukhlisina lahuddin liya'budullaha mukhlisina lahuddin hada ma'na la ilaha illallah wa yuqimu s-salata hada ma'na iftarada alayhim khamsu salawatin ويؤتوا الزكاة وهذا معنى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم فجاء الحديث موافقا لكتاب الله. Donc le Cheikh explique que le verset dans Surat Al-Bayyina, hein, il indique ce que le hadith a indiqué, et il mentionne à ce sujet-là trois points qui sont mentionnés dans le verset. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Puis, qu'ils établissent la salat. Et ça, c'est la signification de ce qui est mentionné dans le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, qu'il leur a rendu obligatoire 5 prières. Et la partie du verset qui dit, wa yu'tu zakat, et qu'ils donnent la zakat, eh bien, ça correspond à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, que Allah leur a rendu obligatoire une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, qui est prise des pauvres, des riches parmi eux pour être redistribuée aux pauvres parmi eux. Et donc ça, c'est ce qui indique que le hadith en question, il correspond à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre à ce sujet-là. Ensuite, il explique le passage où où le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc quiconque a établi ces choses-là, eh bien, il va appliquer le reste. Hein, il va ramener le reste des règles de la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَهَذَا هُوَ الْحِكْمَةِ فِي الْاِقْتِصَارِ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَنَّ مَنْ أَتَى بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ يعني أَتَى بِبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ hein, بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Donc il dit le cheikh que yani, ça fait partie de la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à mentionner ces trois piliers-là seulement. C'est-à-dire que celui qui a établi ces trois piliers-là, eh bien c'est clair qu'il va ramener et appliquer les autres piliers hein, de l'islam encore plus. Ensuite, il explique le point suivant, c'est-à-dire par rapport au verset 5 dans sourate At-Tawbah. Et s'ils se sont repentis et qu'ils ont établi la salat et donné la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique ça. Il dit: كذلك هذه الآية مثل الحديث فإن تابوا يعني وهذا معنى شهدوا أن لا إله إلا الله تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة يعني وهذا معنى افترض عليهم يعني خمس صلوات يعني وأتوا الزكاة وهذا معنى افترض عليهم صدقة فوافق الحديث كتاب الله عز وجل في الإتيان بهذه الثلاثة لأنها أمهات العبادات ولأن من حافظ على هذه الثلاث حافظ على غيرها من باب أولى. Donc il dit, le cheikh il explique que ce verset-là dans Sourate At-Tawbah, il correspond également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. Puisque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « fa'in tabu », c'est-à-dire s'ils se repentent, c'est-à-dire les mushrikin, dans le sens qu'ils cessent de faire le shirk et ils acceptent la ilaha illallah. Donc ça correspond à la signification du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yani, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis ensuite, ça implique donc qu'ils doivent se repentir du shirk qu'ils ont commis. Donc ils se repentent du shirk en acceptant le tawhid. Et ensuite qu'ils ont établi la salat, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans le hadith encore une fois, que Allah leur a rendu obligatoire de faire cinq prières par jour. Puis ensuite, il dit wa ataw zaka, c'est-à-dire qu'ils ont donné la zakat, et ça, c'est la signification de la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il leur a rendu obligatoire une sadaqa, c'est-à-dire la sadaqa qui est obligatoire, c'est la zakat. Et donc, ça, c'est ce qui montre que le hadith en question est en accord avec le livre d'Allah, du fait qu'il n'a mentionné que ces trois piliers. Et elles sont les mères de toutes les autres adorations, c'est-à-dire la base de toutes les autres adorations, et que celui qui les garde de façon fidèle et assidue, eh bien, il va encore mieux appliquer les autres, hein, il va appliquer les autres adorations encore plus. Ensuite, le cheikh, il commente sur les paroles qui ont été mentionnées, attribuées à Ibn Mas'ud et à Ibn Zayd. Du fait que celui qui ne paye pas la zakat, yani Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas sa salat. Et le cheikh explique à ce sujet-là, il mentionne Cheikh Al-Fawzan, il dit قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. C'est-à-dire que Abu Bakr, yani le khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que il a dit dans Al-Bukhari et Muslim, par Allah, je vais combattre toute personne qui fait une distinction entre la salat et la zakat. Et c'est la preuve donc que la salat c'est comme la zakat, et la zakat c'est comme la salat dans le fait que c'est quelque chose d'obligatoire. Et il dit وَفِيهِ بَيَانُ, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il continue en disant وَفِيهِ بَيَانُ مصرف الزكاة يعني il y a la mention dans ça de qui a le droit à la zakat. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, wa huwa qawluhu faturaddu ala fuqara'ihim wa annaha li fuqara'il balad. Donc il y a dedans dans le hadith la mention que yani, la zakat doit être redistribuée aux pauvres parmi eux, c'est-à-dire les pauvres de ce pays hein, dans lequel ils se trouvent. Et le cheikh il dit وقوله فإياك وكرائم أموالهم يعني تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه وهذا أصل ينبغي التفطن له. Donc ici le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il mentionne le point suivant, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à la suite du hadith et prend garde de prendre le meilleur de leurs biens hein, les plus précieux de leurs biens. Et le cheikh, il explique ici que ça, c'est une mise en garde pour lui, de ne pas dépasser ce que Allah a légiféré, ainsi que son messager au sujet de la zakat, hein, et de prendre ce qu'il y a de meilleur dans leurs biens. Il dit parce que s'il prend le meilleur de leurs biens, eh bien, ça peut créer un problème, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a justement interdit ça. Il n'a pas permis de prendre le meilleur de ce qu'il possède. Et il a dit que ça pourrait être une cause justement pour que la personne ne souhaite plus par la suite sortir ou faire sortir sa zakat avec une intention qui est propre et correcte et de son plein gré. Puisque, yani, on ne doit pas prendre du meilleur de ce qu'il possède. Et on ne doit pas non plus prendre du moins bon de ce qu'il possède, mais de prendre ce qui est dans le juste milieu. Et ça, c'est yani, la justice de l'islam. Ensuite, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, un commentaire à ce sujet-là. Yani, et ensuite, avant ça, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit, tout ce qui est au-dessus de ce qui a été légiféré, il n'y a pas de bien dedans. Hein? Et ça, c'est la base. Et il faut vraiment bien le comprendre parce que c'est extrêmement important de comprendre ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus. Il dit وَهَذَا فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْجَيِّدِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنَ الرَّدِيِّ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ لِأَنَّهَا عَدْلٌ فَإِنْ أَخَذْتَ مِنَ الْجَيِّدِ فَهَذَا مِنْ جَوْرٍ فَهَذَا جَوْرٌ وَظُلْمٌ وَإِنْ أَخَذْتَ مِنَ الرَّدِيِّ فَهَذَا ظُلْمٌ لِلْفُقَرَاءِ ونقص في حقهم فإذا أخذت من الوسط فهذا هو العدل وقوله كرائم أموالهم كرائم يعني نفائس وجمع كريمة وهو النفيس. Donc ici le cheikh explique que la zakat, on ne doit pas prendre dans la zakat ou pour la zakat les meilleurs de ce que les gens possèdent et on ne doit pas non plus prendre le plus mauvais de ce qu'ils possèdent, mais il faut que ce soit hein, le juste milieu, parce que c'est ça qui est la justice. Et donc, il dit, si tu prends le meilleur de ce qu'il possède, eh bien, ça, c'est de l'injustice. Et il dit, tandis que si tu prends qu'est-ce qui est mauvais, eh bien, c'est une injustice pour les pauvres, parce qu'ils vont recevoir uniquement ce qui est mauvais. Et donc, c'est quelque chose qui est en dessous de ce qu'il leur revient de droit. Il dit, tandis que si tu prends de ce qui est dans le juste milieu, eh bien là, dans ce cas-là, ça c'est ce qui est la justice. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire lorsqu'il a dit wa iyyaka wa kara'im amwalihim. C'est-à-dire, yani, ne prends pas ce qu'ils ont de plus précieux comme bien. Hein, leurs biens les plus précieux, c'est-à-dire la meilleure qualité de ce qu'ils possèdent. Et parce qu'il explique que nafa'is. Hein, kara'im, ça veut dire nafa'is. Kara'im. Hein, c'est le pluriel de Karima. Et yani, Karima qui veut dire Nafis, Nafis qui veut dire précieux. hein, quelque chose qui est qui a le plus de valeur. Et donc, de ne pas prendre ce qu'ils ont justement de plus grande valeur, mais de prendre ce qui est dans le juste milieu. Et il dit, La yakunu fiha dhulmun wala lil dafi' wala lil madfu'a lil madfu'ati ilayhi. Fafihi tawassut. Donc, le cheikh explique que si tu prends le juste milieu de leur bien, hein, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'injustice, ni pour la personne qui donne, et ni pour la personne qui reçoit. Et il dit ensuite, du fait qu'il n'y a pas de bien dans tout ce qui dépasse ce que Allah a légiféré, c'est parce que il dit yani, la yajuz al-ghulu fi al-ibadat wa ziyadatu fi al-ibadat. Il dit que parce que l'extrémisme et l'exagération dans la religion, eh bien, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis et yani, c'est quelque chose qui est blâmable. Naam. Ensuite, le cheikh il dit wa qawluhu wattaqi da'wat al-mazloum. Wa da'wat al-mazloum maqboulatun laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. يعني ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها وفيه التحذير من الظلم مطلقا فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه أو فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه فعليه أن يقصد العمل أو أن يقصد العدل من الطرفين والله أعلم. Donc ici le cheikh il explique que يعني, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite et prends garde, hein, fais attention à l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé, hein, c'est-à-dire la personne à qui tu fais une injustice, fais attention parce que elle pourrait invoquer Allah ou elle va invoquer Allah contre toi. Et l'invocation de l'opprimé, la personne qui a subi une injustice, sache qu'il n'y a pas de barrière, hein? Il n'y a pas de barrière ou de voile entre la personne et Allah dans son invocation. Même si cette personne-là n'est pas musulmane, hein? Quand elle est opprimée, Allah subhanahu wa ta'ala exauce son invocation, hein? Même si elle n'est pas croyante. Et même si toi tu es un croyant et qu'elle invoque Allah, hein, contre toi parce que tu lui as fait une injustice, Allah n'aime pas l'injustice. Peu importe de qui elle est faite et peu importe contre qui elle est faite. Et le cheikh il explique que yani, il y a donc ici une mise en garde contre l'interdiction, contre l'injustice de façon absolue et de façon générale. Et donc, la personne qui travaille dans le ramassage ou le fait de ramasser les zakats des gens, s'il travaille pour l'État, hein, et qu'il a pour responsabilité de ramasser la zakat, eh bien, il doit essayer d'être le plus juste possible et de faire ce pourquoi on l'a employé avec justice. Et de ne pas faire de l'injustice aux gens en prenant au-dessus de ce qu'ils doivent, au-dessus de ce qui lui revient comme droit, hein, vis-à-vis de la zakat, de ne pas prendre plus que ce à quoi il a droit de prendre, parce que yani, ça c'est une injustice. Et il ne doit pas non plus aussi essayer de donner des faveurs à certains, hein, parmi ses amis, en prenant moins de ce qu'ils doivent donner, hein, parce que c'est ses copains ou ses amis ou des choses de ce genre. Donc il veut leur faire plaisir, donc il va prendre moins que ce qu'ils doivent. Et donc il faut qu'il soit juste et qu'il cherche la justice pour les deux, dans les deux sens, que ce soit yani, dans le sens de prendre ou dans le sens de laisser. Il doit faire preuve de justice dans toutes les circonstances. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ça. Et nous, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Après ça, il dit قَوْلُهُ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ هَذَا يَشْمَلُ الْوُلَاتِ وَالْمُوَظَّفِينَ وَكُلُّ مَنْ لَهُ سُلْطَةِ أن لا يظلم الناس ويتعدى عليهم بل يجب عليه العدل. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit prends garde et fais attention à l'invocation de l'opprimé, eh bien ça comprend les dirigeants, hein, donc les dirigeants sont avertis ainsi que les fonctionnaires ou les employés de l'État qui ont pour responsabilité de ramasser la zakat. Toute personne qui a une autorité, toute personne qui a une responsabilité, ils doivent faire encore plus, ils doivent faire encore plus attention de ne pas transgresser dans les règles de la religion et il est obligatoire pour eux d'être justes. Naam. Et le cheikh il dit ensuite « وَالشَّاهِدُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَابِ وَالشَّاهِدُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ عَلَى الْبَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ وهذا فيه الدعوة إلى الله وفيه بيان منهج الدعوة وهو أنه يبدأ بالأهم فالأهم وأنه يتدرج وأنه يعرف أحوال المدعوين من أجل أن يتعامل معهم بما يليق بهم وأن خطاب العلماء غير خطاب العوام والعلماء يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادلة كاليهود والنصارى وأما العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي والداعية يجب أن يكون مؤهلا لهذا. Donc le cheikh il termine donc ce point en clarifiant que le hadith en soi, le hadith de Mu'adh, eh bien il est relié à ce chapitre dans quel sens? C'est dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dedans que la première chose à laquelle tu les invites, hein, soit la ilaha illallah. Et donc ça c'est relié à la question de la da'wa et l'invitation des hommes à Allah. Et le fait de clarifier également la méthodologie de la da'wa. Et qu'il faut toujours débuter par ce qui est plus important en premier. Et d'avancer graduellement dans les obligations de la religion avec les personnes qu'on invite. Et que, yani, il faut également connaître l'état de la personne à qui on parle de l'islam. Et la raison de ça, c'est parce qu'on essaie d'agir avec les personnes qu'on appelle à l'islam de la manière la plus convenable et de leur adresser la da'wa d'une manière qui est plus apte à ce qu'ils l'acceptent et qui correspond à ce qu'ils ont besoin. Et donc, c'est clair que lorsqu'on s'adresse à des savants, eh bien, on va pas s'adresser à eux de la même manière qu'on s'adresse à des gens ordinaires. Et il dit que les ulama, eux, ont besoin d'arguments. Hein? Il faut qu'on argumente avec eux. Tandis que, yani, si par exemple, on parle avec des juifs et des chrétiens, la façon de les inviter à l'islam, c'est pas la même chose que lorsqu'on parle avec un musulman qui, par exemple, a une foi faible. Eh bien, le musulman qui a une foi faible ou bien qui fait certains péchés, on l'appelle à revenir à l'obéissance. Ça ne nécessite pas nécessairement autant d'arguments et de débats que lorsqu'on va parler avec des juifs et des chrétiens. Et même si on discute avec des juifs et des chrétiens, si c'est des gens du commun, eh bien, ça nécessite parfois pas autant d'arguments ou de connaissances que si on s'adresse à des prêtres ou à des rabbins, d'accord? Donc chaque personne, elle a son degré, elle a son niveau, et à chacun, il faut justement être prêt justement à savoir justement comment lui parler de la manière qui sera convaincante pour elle et de lui ramener les arguments dont elle a besoin pour être convaincue que l'islam est vrai. Et le cheikh il dit donc que si tu parles avec des gens ordinaires, des gens du commun qui ne sont pas nécessairement des théologiens ou des prêtres ou des gens spécialisés dans la religion, ils n'ont pas besoin de plus que d'être ordonnés ou d'être interdits. Et tandis que si c'est une personne qui a moins de science, comme on a qui a plus de science, eh bien ça demande un peu plus d'approfondissement. Et la personne qui appelle à Allah et qui fait la da'wa à l'islam, c'est obligatoire pour lui d'être apte à être capable de faire ce genre de travail et d'avoir les aptitudes nécessaires pour être capable de le faire. Et ce n'est pas donc n'importe qui peut s'improviser comme prêcheur ou comme enseignant de l'islam. Et il faut bien entendu qu'il possède et qu'il détienne certaines bases pour être capable de faire ce travail-là de façon convenable. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.